20h, Happy Hour. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fun Radio, c'est la Power, on est en direct là, hein, 16h56, on commence même l'émission 4 minutes avant, ça fera plus ou moins 150 euros par personne en plus pour le boss. Ouais. Ça fait cher payer. Hein. Bon, il y a toute l'équipe qui est là, Sandro qui est pas encore tout à fait prêt. Bah non, mais... Il a la bouche pleine comme d'habitude, hein, plein de chocolat. Comme d'habitude. Je parle de chocolat, rien d'autre. Ça va Sandro? Ah ouais, ce chocolat Milk à noisette est une tuerie. T'entretiens ton régime et ça c'est beau, bah, ça. Évidemment. On est une belle équipe. Et toi, de ton Red Bull va bien? Écoute, il va très bien, ce n'est pas, c'est pas ce que tu crois. C'est. Si, c'est écrit sur la canette. Red Bull. De dire il y a un taureau qui te donne arrêtez, des ailes. Et mon coach écoute l'émission. Je bon, on l'a déjà appris. Comment il s'appelle encore? Ouais, je vais me faire dégommer. Si je reçois un message dans les 30 secondes, c'est vous qui allez morfler, je vous préviens. Il y a Fab qui est là. Présent. Ça va, Fab? Oui. Tu crois que t'es à l'école? Je peux pas t'engueuler, hein. Le kéké du standard. Ouais, Rio, il y a aussi. Et puis Alison. Salut. Ça va bien? Ça va. Ouais. Alors. Tu veux quoi? Elle va le faire. Ouais, bien sûr que je vais balancer. Bah oui, je sais. Alors, je vous explique vite fait comme ça. Après, je vous dirai ce qu'il y a dans l'émission, vous allez voir, ça va être génial. Mais alors, d'un côté, j'ai Kéké du Standard qui est étudiant hein, et qui a raté son année. Il est quoi? On applaudit Kéké. Bravo. J'applaudis pas. Hein. Voilà. Donc, Kéké du Standard qui avait donc une deuxième cesse et qui l'a donc raté. Tu veux pleurer en direct? Ça fera de l'audience. Non, tu veux non, pas j'ai un petit peu avant, d'accord, va. Merci. Et puis, Alison qui arrive dans l'émission aujourd'hui qui me dit: tu sais pas quoi? Et ben, je croyais qu'elle allait me dire: j'ai réussi, j'ai carte. Non, j'ai raté. Ben voilà. On se soutient dans cette équipe. Et Fab, t'as réussi ou t'as raté? Aux dernières nouvelles, moi je suis parti parce que j'avais raté, ouais, il y a 15 ans. De toute façon, si seulement il avait commencé, c'est ça la question. Bon, et courage en tout cas à tous ceux qui sont encore en deuxième cesse. Et dites-moi comment ça s'est passé d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a quand même qui ont réussi? Ou alors globalement, c'est comme les stagiaires de l'émission, tout le monde a raté cette année. Non, mais ceux qui réussissent, ils font pas de la radio. Ils ont un vrai bout de main. Non, mais par contre, ils peuvent l'écouter. Donc 30-44 pour vos messages, dites-moi un peu comment ça s'est passé. Franchement, s'il y a quelqu'un qui a réussi son examen, c'est cadeau, je lui offre un truc. Un cadeau Fun Radio, voilà, récompense. Tu vois Kev, t'aurais dû réussir. Bah, de toute façon, il aurait rien eu du tout. Bon, on va se faire un kiff aujourd'hui, on va se faire une émission spéciale. Boys Bands. Mais il est où le kiff? Pourquoi? C'est mon kiff, j'en ai rien à foutre. 2B3, Alliage, Backstreet Boys, rien à foutre. On va tout balancer, toutes les chansons. Pas du tout. Mais si tu vas voir, je vais t'apprendre mon Sandro. Je peux t'apprendre des choses encore, t'inquiète pas. Cool. Il y aura du cadeau aussi pour les gamers. On vous offre des packs Logitech G d'une valeur de plus de 400 euros avec la totale, le clavier, la souris, le tapis de souris, le sac à dos. On vous explique tout ça juste après les infos. Fun Radio. Fun. Ce mois-ci chez Château d'Ax, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1000 euros dans votre magasin Château d'Ax. Il y aura du son dance floor aussi dans cette émission avec Tiesto et John Legend, Zao, là, le nouveau Leslie Kuma avec MHD. Et puis là, juste avant, on se fait les infos et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Gros mouvement de panique ce matin à la station de premier train Horta Saint-Gilles, donc à Bruxelles, et on peut comprendre que les gens aient flippé. D'après la porte-parole de la STIB, un ado a jeté un sac dans un tram depuis le quai avant de s'enfuir en courant. Alors forcément, les témoins de la scène présents dans le tram sont sortis vite fait en criant au secours, ce qui a provoqué un mouvement de foule et la fermeture de la station. Le propriétaire du sac a été identifié et il ne s'agissait pas du tout d'un terroriste, hein, juste d'un petit con. C'est pas ça qui manque, évidemment. Bon, c'est heureusement moins dangereux qu'un kamikaze, mais il faudrait pas que cette blague stupide donne des idées à d'autres adeptes d'un humour douteux, sans quoi la police risque de perdre beaucoup de temps pour rien. Et puis à propos de ceux qui représentent une vraie menace, nos centrales nucléaires auront bientôt, c'est-à-dire l'année prochaine, leur propre unité antiterroriste. Voilà ce que rapportait la presse flamande ce matin. Bon, évidemment, si la Belgique était sortie du nucléaire comme elle était censée l'avoir fait, il n'y aurait plus à s'inquiéter des éventuelles visées de Daesh sur les sites de Tihange et de Doul. Mais vous le savez, nos autorités ont décidé de s'accrocher à l'atome pendant encore un bon moment. Bref, ça fait des mois que ces installations sont surveillées par 140 militaires, que le gouvernement a donc décidé de remplacer par des policiers spécialement formés pour réagir en cas d'attaque. Les centrales disposent déjà d'un personnel de sécurité, mais privé, donc non armé. Les nouvelles unités, elles, seront équipées d'armes semi-automatiques. Notez qu'en Syrie, en comptant les troupes du régime et les différentes milices, y a beaucoup de gens qui sont armés, hein, ce qui n'empêche pas l'État islamique de nuire. La Syrie, où 24 personnes au moins sont mortes dans deux attaques aériennes distinctes, l'une dans une zone d'Alep contrôlée par les rebelles, et ce au lendemain d'une attaque au chlore sur cette même ville martyre, attaque dont le régime est suspecté. L'autre sur un village voisin tenu par Daesh. Là, c'est l'armée turque qui est mise en cause. Une info qui n'a pas pu être confirmée de sources indépendantes, mais le fait est que la frontière turque n'est pas bien loin. En football, ça fait un moment que les joueurs étrangers sont nombreux à évoluer en première division. La saison dernière, ils étaient même majoritaires. Et cette saison, ils représentent carrément 56% du total des joueurs. Un record qui s'explique d'abord par le fait que pas mal de joueurs belges sont eux-mêmes partis à l'étranger l'intersaison et qu'ils ont été remplacés par des gens venus d'ailleurs. Et puis, il y a surtout le fait que les étrangers coûtent moins cher que les bons joueurs belges. Ah ouais, le dumping social là aussi. Mais cette tendance n'a rien d'irréversible. Presque tous les clubs de l'élite investissent dans la formation des jeunes, ce qui pourrait à terme inverser la tendance. Fun Radio. Les doubles bons double points, du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Des bons ? Oui, oui, j'en ai vu plein les rayons. Ça, c'est des fameuses économies. Bon, a priori, vu la date, vous avez dû recevoir vos résultats là pour tous ceux qui étaient en deuxième cesse. J'ai lancé un appel dans l'émission. Je cherche quelqu'un qui a réussi sa deuxième cesse haut la main. Si c'est le cas, 3044 pour vos messages. Je vous file du cadeau parce que moi, les stagiaires de l'émission, ils ont tous raté. Je sais pas, à mon avis, je dois porter malchance. Il y aura du son dancefloor dans quelques petites minutes, c'est promis. Tiesto et John Legend. Et puis surtout, et Carlo, on est suspendu à tes lèvres. Vas-y, fais-nous rêver ce qui va faire beau. C'est vrai, t'es suspendu à mes lèvres? Bah, j'essaye. Oh. Ah, tu veux que j'essaye vraiment, Carlo? Tu veux que je fasse en pratique? Ouais. Tu vas avoir mal aux lèvres, hein. Ça je dis rien. Mais enfin, j'ai un peu maigri. Bon, mon Carlo, est-ce qu'il va faire beau ou pas? Oui, bien sûr, il va faire beau pendant encore au moins 2 ans. Ah bah oui. Ah, j'ai regardé la météo, les projections pour l'avenir. Non, la semaine prochaine, attends, la semaine prochaine, sans déconner, canicule. Hein. C'est vrai? Jusqu'à 30 degrés, oui. Mercredi, mardi, mercredi prochain. Donc demain, il fera frais entre 21 et 24 avec du soleil. Bah, prochain rendez-vous info dans 1 heure, je vous laisse avec Audrey et sa belle lèvre et le son de Tiesto et John Legend. Salut. Fun. Fun Radio. En septembre, chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'un star gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. History, the sun's about to go down, baby. Summer lights. son dancefloor avec le nouveau Zao. Avec MHD, c'est Leslie Kuma. Il y aura aussi du Axwell et Ingrosso. Me voilà rassurée, j'ai envoyé un appel de détresse à l'antenne de Fun Radio parce que si vous venez de vous brancher, si vous venez de nous rejoindre dans la Power, déjà bienvenue, il faut savoir que les stagiaires de l'émission, alias Kéké du Standard, ouais. Vas-y, fais entendre ta grosse voix. Coucou. Oui, ça. Coucou. Et ben, le Kéké du Standard a raté son année. Ouais. Et puis, ma deuxième stagiaire de l'émission, Alison, ouais. A eu ses résultats hier, a pleuré toutes les larmes. Enfin, non, pas hier, mais on est quel jour là en fait? Ah si, c'était hier. Mais hier, je passais mon mémoire, j'ai raté que mon mémoire. Donc, t'as raté l'oral et donc c'est foutu, ouais. Quoi, mais c'est pas possible ça, donc aussi un échec. Donc je me demande si vraiment au final quelqu'un a réussi sa deuxième cesse, hein, ça me rassurerait vraiment. Alors il y a Charlotte qui est là, qui vient de Liège. Salut Charlotte, comment ça va? Ah, une liégeoise. Bien à vous. Bah ça va, Charlotte, t'es plutôt bonasse si tu viens de Liège. Dans quel sens? Ça veut dire quoi? Bah quoi, tu sais pas, franchement, quoi, liégeoises, ouais. Eh ben... Franchement, je suis une fille, mais je peux le dire, les ouais. Liégeoises sont méga bonnes. Ah, franchement, elles sont. Et franchement, je pense que c'est les filles les plus jolies de Belgique. Mais pourquoi t'habites pas à Bruxelles alors? Bah, parce que. C'est pas chez moi, quoi. Bah, parce qu'elles peuvent pas, elles parlent comme ça, ils vont pas les comprendre. Charlotte, bon, comment oui. Ça s'est passé pour toi les études? T'es étudiante en quoi? En comptabilité, fiscalité. Oh là, rien que le titre, j'ai envie de vomir. Ah non, ça m'angoisse. Et, et quoi, t'avais une deuxième cesse alors? Ouais. Ouais, et alors? Vas-y, fais-nous rêver. Ça a donné quoi? J'ai réussi ma seconde cesse avec plus de 60% de moyenne. Oh, bravo. Bravo, bravo. Eh, du coup, tu passes en quelle année là, Charlotte? En troisième. Et puis c'est fini, t'es tranquille? Non, après je fais une spécialisation en sciences fiscales pendant 2 ans. D'accord, donc toi t'aimes bien te faire mal. D'accord, t'es parti sur 4 ans d'études encore, bien ça. Et, excusez-moi, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut travailler. Hein. Ouais, c'est ça. C'est prévu, ah mais je travaille. Hein, en plus. Charlotte voilà, est parfaite, voilà. Ça t'embouche un coin, Sandro. Ouais. Est-ce que tu es célibataire? Non mais arrête, t'es une meuf. Bon, Charlotte, tu sais quoi? C'est cadeau, c'est pour moi, je te file du cadeau. Fun Radio, voilà. Félicitations merci, à toi. C'est gentil. Bon, et du coup, là, tu reprends direct l'école ou alors t'as quand même quelques petits jours de congé? Ou alors direct, bim, t'y retournes? Non, je finis de travailler le 16 à la poste et puis je réenchaîne avec l'école. D'accord. Et bah, bon courage à toi en tout cas, Charlotte. Et merci d'être passée dans l'émission. Tu reviens quand tu veux. Hein. Merci à vous. Bisous, Charlotte. Bisous, bisous. Et il y a Julien aussi qui me dit: moi, j'ai réussi ma deuxième cesse en étudiant la veille au calme. Direction le bac 2 de GRH. Pareil, pourquoi? J'ai réussi avec distinction. Il y a Maureen aussi qui a réussi. Il y a qui d'autre, on me dit par SMS? Julien, il y a Marc aussi. Salut toute l'équipe, vous êtes vraiment au top. Ma sœur a réussi. Bravo. Voilà. Alors les gars, voyez, ça fait quoi de voir qu'il y a des gens qui réussissent? Eh ben, félicitations à eux. Bah oui. Vous l'avez mauvaise. Je vais bien racheter leur cerveau autant qu'ils veulent. Ouais. Je te donne 1€ pour leur cerveau. Garde. Tu sens l'aigreur là. Allez, non. Bravo les copains en tout cas, hein. Vraiment c'était génial. Continuez comme ça. Je vous inscris moi-même au chômage si vous voulez. Tu sais qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit? À l'année prochaine. Salut. Oh non, ça c'est horrible. Tu sais quand tu recommences ton année et que t'es plus avec les mêmes copains? Autre fois, non. Au revoir les copains. Moi j'ai déjà doublé, hein, au moins 3 fois, donc je sais ce que c'est. Ouais, mais toi t'avais pas de copains. Mais j'ai doublé moi en primaire. T'imagines si c'est possible ça? Mais ouais, c'est pire. Bon, la suite du son maintenant, c'est avec Axwell Ingrosso. Il y aura du cadeau aussi, hein. Restez bien branchés sur Fun Radio. Avant ça, c'est parti, c'est le nouveau Zao avec MHD. Sur Fun. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Dans mon coin ici l'ambiance est bonne. Non tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave.

La suite du son des Floors avec Galantis, Nomonique, ça se passe sur Fun Radio. Il y aura aussi le tout nouveau Craig David avec Sigala. Avant ça, pour tous les fans de Boys Band, pour tous les fans de 2B3, de Bastric Boys, oh là là, j'ai appris un truc hier en matant la télé. Je me suis dit, mais comment on a pu passer à côté de cette info, Fab? Comment t'as pu faire ça? Comment tu m'as fait ça à moi? Je voulais pas en parler parce que je savais que t'allais péter un câble. D'ailleurs, il faudrait peut-être attacher madame parce que sinon. Avec plaisir. Tu le sais. Tu sais que Génération Boys Band va faire son retour. C'est-à-dire qu'ils vont prendre quoi? Génération Boys Band, le retour de trois anciennes stars de Boys Band qui n'existent plus. Il y a Alan Théo. Ah ouais. Il y a Franck des 2B3. Emmène-moi, I know you want to Alan Théo, il était dans le porno gay avant, mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est pas grave. Il a vu que la chanson marchait pas, il s'est dit je vais faire un truc, j'aimais bien le micro, donc il faut que je chine un truc en main, et voilà, porno gay. Oh, tu as Chris des G-Squad. Quelqu'un se souvient des G-Squad? Alors les G-Squad, par contre, ça me dit rien du tout, moi. Les G-Squad. Est-ce que quelqu'un connaît les G-Squad de l'autre côté de la radio 3044 pour vos messages? Je connaissais G-Unit, c'était 50 Cent. G-Squad, je sais pas. Et c'est qui le troisième? C'est Franck des 2B3, Chris et Alan Théo. Ah, Franck, j'étais trop amoureuse de lui quand j'étais plus jeune. C'est vrai? C'était lui ton préféré des 2B3? Ouais, ouais, c'était pas le plus beau, mais c'était le plus. C'était l'autre le plus beau, là. Tu vois. C'est pas lui qui est plus là. Philippe. Ouais, Philippe. Philippe. Ouais, mais il est plus là, donc voilà. Donc c'était Franck le plus mignon. Tout plus free, c'est pas ça là. Ah si. Ah oh, mon Dieu, s'il vous plaît. Effacer notre amour. Ne pas regretter. Ah non, c'était pas ça. Ne pas regretter. Penser aux instants qu'on a volé. Partir un jour sans voyage. Et le truc qui déchire, c'est que les trois, ils vont former un boys band à eux. Ouais. Et ils vont reprendre toutes les chansons des anciens groupes dans lesquels ils étaient. Cool, ça. Donc partir un jour. Et quoi, avec les chorégraphies et tout? Ah ben bah, j'espère bien. Ah, bah, quoique, mais non, ils ont. Avant ils avaient 20 ans, maintenant ils ont 40 années. Ouais, mais je les ai vus parce qu'ils sont passés dans TPMP, vous savez, chez Cyril Hanouna. Mm-hmm. Et en fait, ouais, par contre, ils ressemblent plus vraiment à ce qu'ils étaient avant. Hein. Ah, tu m'étonnes. Mais bon, ouais, c'est cool quand même de les revoir, ça fait plaisir. Et ils vont faire une tournée et tout. Et ils vont partir. Ils ont intérêt à passer par la Belgique, sinon ça va chier. Bah je sais pas, sans doute, ouais, ils passeront à Charleroi sur le parking du Cora. Mais arrête. Cora de Châtelineau. C'est pas cool. Il y a un auditeur qui me dit, moi je veux bien l'attacher, Audrey. Non. Non, ça c'est mon boulot, mec. Bon, est-ce que t'as trouvé G-Squad pour voir à quoi ça ressemblait? J'ai trouvé G-Squad, c'est aucune fille au monde. Oh oui! Oh, c'était énorme! Crie au monde, monde! Allez, ma. Mais je connais pas! Oh si! Oh wow! C'est toute ma jeunesse. Ah ouais, toi t'as kiffé ça, t'as dansé là-dessus. Et j'avais la couette avec les 2B3 dessus. Non. Ah si, j'avais la couette et j'avais même la farde. Tu dormais dans les 2B3? Ouais. Et le soir je me frottais contre ma couette. Non, je rigole, je ne faisais pas ça. Non, on se fait un kiff, on passe toutes les chansons des boys bands qu'on aimait bien avant. Enfin, je me fais un kiff et vous aussi de l'autre côté de la radio, parce que l'équipe, ils vont souffrir à mort. Oh là. T'es sûr que tu veux faire ça? Oh ouais, s'il vous plaît, quoi. Allez, le boss est pas là, on fait ce qu'on veut. On va peut-être se faire virer, mais on s'en fout. Vas-y, allez, balancez-moi tous vos messages 3044. Qu'est-ce que vous voulez écouter? Un truc de boys bands, ou même ça peut être les Spice Girls, ça peut être les 2B3, ça peut être les Bastric Boys, spécial année 90 aujourd'hui. Les Spice Girls, c'est pas un boys band, hein. Enfin, y en a qu'une dedans, on n'était pas sûr, mais sinon c'est défiant. Non, mais tous les groupes de l'époque, quoi, tu vois, on se fait un petit kiff aujourd'hui. Allez-y, vous me balancez vos titres, c'est promis. Moi je les passe sur Fun Radio 3044 pour me les envoyer. Il y aura le son de Galantis, la Nomonie, dans quelques petites minutes, et puis juste après, c'est le nouveau Craig David qui débarque. Welcome tout le monde! Dans la radio. Ce matin, c'était ça. Aude, c'est quoi ton toc? Alors moi, je sens tout ce que je touche. Tu sens tout ce que tu touches? Oui. C'est chelou. Je vais à la douche, prends ma serviette, je sens mes couverts, je sens mes clés, voilà. Mais depuis toute petite. Ça doit être sympa quand tu utilises la brosse à chiottes. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Excusez-moi, la Peugeot 208, là, le parc assist, elle l'a? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui. Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients, parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options, et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition.

SMS qui me dit qu'il veut écouter du Backstreet Boys. Bah t'inquiète, ça arrive. Nouveauté. New music. Découverte Fun Radio. Et d'abord, il y a de la nouveauté côté son dance floor. Je vous ai calé le tout nouveau Craig David avec Sigala sur Fun. When you're so in love, sometimes you gotta take a chance to break through. And when the world is not enough, that's what gives you everything or breaks you. Feeling empty, feel you. Like we're running on fumes, a little broken, confused. But one thing I know for sure, ain't giving up on you, ain't giving up on you, ain't giving up on you, ain't giving up. Et Like My Stay Wild qui arrive sur Fun Radio. Il y aura aussi du Dior et puis Egophonic pour la suite. Bon, on a décidé qu'on allait foutre un petit peu le bordel dans cette émission avec tous les boys bands de l'époque. Ah bah ouais, parce qu'on a eu une info, enfin en tout cas en matant la télé hier, j'ai appris au grand désarroi après tout le monde que les anciens boys bands allaient Alan se reformer. Théo. Franck des To Be Free et Chris des G-Squad, ils vont reformer un boys band qu'ils vont appeler Génération Boys Band. Ils se sont cassés autant la tête pour le titre, le nom du groupe, que le titre des chansons, quoi, en fait. Mais non, mais ils reprennent les chansons d'avant. Ils reprennent les chansons d'avant, mais de leurs trois groupes. Et sérieux, ils ont cartonné parce que hier, ils étaient chez Cyril Hanouna, là, dans TPMP. Et franchement. Chute d'audience, il paraît, hein. Bah, arrête. Non, je te jure, quand je les ai vus arriver sur le plateau, je me suis dit, ah ouais, quand même, ils ont changé. Et puis quand Cyril a dit, non, mais vas-y, faites une chorégraphie, je fais, oula, c'est peut-être pas la bonne idée. Là, ils ont du mal à toucher leur pied. Non, je te jure, ils sont en forme et tout, hein. Ils ont la pêche, ouais, j'étais vraiment impressionné. Bah, la coke, ça réussit bien. Bah, arrête, hein. Bah, y en a un qui est plus là pour en parler, en tout cas. Bon, sinon, on s'est dit que là, aujourd'hui, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, balancez vos messages, 3044. Vous me dites ce que vous voulez écouter des anciens boys bands. Ça peut être aussi du côté des filles, hein, les Spice Girls, n'importe. Enfin, Fred, on se fait plaisir. Franchement, allez-y. Promis, je vais tous les passer. D'ailleurs, il y a David qui est là, qui vient de Nivelles. Salut, David. Salut, André. Ça va bien? Toute l'équipe. Oula, pourquoi tu parles comme un ancien journaliste? Bien le bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, David? Je suis journaliste. Alors, je suis caviste. Je suis mécano chez Mercedes-Benz. Oh, papa, ça fera 50 euros pour la pub. Oui, merci, merci. Bon, David, t'as envoyé un petit message au 3044. T'as envie de te faire un kiff avec quoi, toi, aujourd'hui? Alors, avec les Backstreet Boys, Everybody. Oh, ah oui, ouais. Sandro, ah, ouais. Vas-y. Bah, un grand classique, hein. Oh, c'est pour toi, yeah, David. Yeah. Vas-y. Les paroles, attends, fais écouter. Tu peux chanter, hein, David? Non, ça va, je suis pas du genre à chanter. Moi, ce qui me faisait rire, c'est quand même la chanson est pas top, mais surtout la chorégraphie, quoi. Ah, s'il mais vous non, plaît. Mais attends, c'était ça qui était drôle avec les boys bands, tu rigoles ou quoi? Et puis, hey, on aurait fait quoi, nous, en cours de récré à l'époque? Je te signale que moi, c'était mon activité. Non, ah ouais, one. Bah oui, toi aussi, David, tu faisais ça, non? Ouais, deux filles. Bah voilà, c'est ça. Moi, par exemple, avec les filles, on refaisait les chorégraphies des Spice Girls. Mais non! Si, on faisait ça. Oh, je veux voir ça. Moi, j'étais Jerry Halliwell. Je voulais tellement pas être elle. Jerry Halliwell, bah ouais. C'est laquelle? C'était la rousse, la grosse. Plus moche. Bah ouais. Je voulais. Non! Non! C'est pas drôle. Ça fait. Bah, si! Non! Si, c'est non. Drôle! Mélissandre, tu es grosse! Non! Ça fait partie de mes frustrations. Je voulais être Emma, moi, la blonde. Ouais, mais attends, moi c'était déjà Bruce Willis. Oh bah voilà, merci, vous m'avez déprimé totalement. David, je te fais des gros bisous, tu reviens quand tu veux. Ouais, je peux passer une petite dédicace? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Ah ben, dédicace à toute ma famille, à ma copine que j'aime plus que tout au monde. Oh. Et surtout à tous mes collègues de mon boulot. D'accord, et ben bah voilà, David, le message il est passé, je te fais des gros bisous. Mais merci à toi aussi. Eh ben, il faut raccrocher maintenant. On compte jusqu'à 3, allez, 1, 2... Bisous bisous. Bon allez, on me dit quoi, Jean qui me dit moi je kiffais la première vague dans les années 80 avec les New Kids. Je ne connais pas. New mais Kids on the Block. Ah c'est ça, on va chercher, t'inquiète pas. When the stars start to fall, will you love me, will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. Fought for love, we were on the run. Try my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. J'espère que votre après-midi se passe bien là, à l'écoute de Fun Radio. Merci d'être là, ça fait plaisir. On est avec vous jusqu'à... Oula. On est avec vous jusqu'à 20h, ça va être génial. 3, 2, 1. Bon, moi c'est Audrey, il y a Fab, il y a Sandro qui est là, Alison au standard aussi. Et puis côté son dancefloor, je vous ai calé DJ Snake et Justin Bieber. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Let me love you! Oh, qu'est-ce que c'est romantique tout ça! C'est ce qui arrive juste après l'infotrafic, on va vous dire comment ça roule, si c'est le bordel tout ça. Enfin, c'est Jacobus qui s'en occupe quoi. Merci! L'infotrafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Bonjour, Mr. Jacobus. Allô, d'ailleurs, le mal, bonjour. Comment allez-vous? Bah, ça va, ça va. Oui, tout le monde va bien avec les serveurs. Sauf que j'ai mis 2 heures pour venir à la radio. Ah, et donc, oui, c'est le gros bordel, la Bruxelles. Oui, oui, oui, je sais, tu conduis pas très bien. Oh. Il y a plein de studs que je dois vous raconter. Alors, d'abord, je vais dire bonjour à tous les collègues, ceux qui sont sur le E40 Bruxelles-Liège, à hauteur de Berlos, près de Warem. Berlos. Oui, c'est bien. On dit Barlos. Énorme, Barlos. Barlos. C'est une expression même. Berlos. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils prennent des photos de ceux qui roulent trop vite. Et un flash. Levez le pied, les copains. Et il y en a un autre, je le dis aussi, allez, près de Hasselt, entre Gouverneur, Roepsegel et... Enfin, près de là-bas, quoi. Le deuxième, il est imprononçable. Sinon, sur le E19, c'est peut-être ça qui t'a ralenti tout à l'heure, l'autoroute de Mons-Valenciennes à hauteur de Mons. Ouais. Tu as l'impression que je viens de Mons. Ouais, je sais pas d'où tu viens. Une femme Bruxelles. De Scarbeck, moi. Ah oui, alors, bah, quoi bah, que c'est ça. C'est à côté de Mons. Hein. Oui, c'est tout près. Hein. Y a un objet encombrant en plein milieu des deux bandes. Alors, je sais pas comment il est arrivé là. Je sais pas qui a mis ça là. Mais il y a un cône. Un quoi? Un cône. En plein milieu. Ah ouais. Un cône. Donc fais attention quand tu passes par là parce que c'est un peu embêtant. Moi, c'était dans les tunnels que ça ralentissait à mort. Ah oui, oui, mais c'est normal. Hein. Tu as vu l'heure. Ah, c'est il faut ça. Partir plus tôt. Ah bah, excusez-moi. Tous les tunnels, parce que je vais te dire. Le tunnel direction Mogombri, il est fermé. Celui de Béliard, il ralentit. Donc du coup, la petite ceinture avec le green quand tu vas vers Basilic ou dans l'autre sens. C'est le bordel. Ah oui, tout est bloqué aussi. Bah, hein. Bon courage à tous ceux qui sont de ce côté-là. En tout cas, big soutien ici sur Fun Radio. Si vous avez des infos d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager avec nous. Il y aura du cadeau aussi dans quelques petites minutes pour les gamers là. Un pack Logitech G avec la totale, le clavier de gamer, il y a la souris aussi, il y a le tapis, il y a le sac à dos, bref la totale. Il y a les chaussettes c'est... aussi. Non mais faut pas déconner, mais c'est un super beau cadeau qu'on vous offre aujourd'hui sur Fun Radio. Si vous voulez essayer de le choper, eh ben c'est pas compliqué en fait, il faut juste s'inscrire pour ça. Vous envoyez maintenant Happy par SMS au 6322 et avant 18h, on fait un tirage au sort et peut-être à vous bah ce pack Logitech, c'est cool non? Allez, ça arrive. Juste après DJ Snake et Justin Bieber. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. jusqu'au bout, on en profite. La suite, c'est avec Diro, Bailar. Voilà, c'est ce que je vous ai prévu. Il y aura aussi du Egophonic et puis Mo avec Final Song. Ça me fait penser à chaque fois aux Simpsons, moi, ça. Je sais pas pourquoi. Mo aussi. Bah ouais, Mo. Le barman. Bah oui. Mais il paraît que c'est lui, hein, monsieur. Tu crois? T'imagines? Ah, clairement, clairement. Le mec tout jaune, tout malade. Ah ouais, c'est bon, maintenant, je me suis. J'ai changé d'orientation, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis recyclé. Je fais ce que je veux. Bon, on a Aurélie qui vient de. Je ne sais pas où. Je ne sais quoi, ça. C'est. Bah, attends, excusez-moi, mais. Oui, c'est... pardon. Amé. Donc ça, c'est Amé, le machin que t'as écrit sur ma fiche, d'accord. Tu m'étonnes que les stagiaires, ils ont tous raté. Ils savent même pas écrire, mais ouais, c'est ça la galère. Quoi, bonjour Aurélie, clair. Bienvenue dans la Happy Hour. Bonjour à vous. Oh, t'as une jolie petite voix tout plein. Ça va Aurélie, dis, t'as l'air toute calme. Je suis calme. Bah ouais, c'est bien, ça change. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chez moi. Ah, dans ton lit? Non, moi je suis dehors, à la terrasse. La fille qui est méga curieuse, quoi. C'est tu ça, vois quoi. Bon, Aurélie, on se fait un kiff aujourd'hui dans l'émission. T'as entendu le truc? La génération Boys Bands. Le nouveau truc avec tous les anciens. Les 2B3. Il y a qui encore? Il y a Alan Théo. Il y a Franck. Et il y a le troisième, c'est. Eh ben, j'ai oublié son nom. Ah bah bravo, tu sers à rien. Bon, ah non, c'est Chris, DJ Squad. Ah, c'est Chris, pardon. Voilà. Bon, hey, t'as entendu la nouvelle? Ça te fait plaisir, Aurélie? Oui, hein. Ah, tu m'étonnes. Bon, du coup, on se fait un kiff aujourd'hui dans l'émission. Le boss est parti, donc du coup, on en profite. On peut écouter tout ce qu'on veut aujourd'hui à l'antenne de Fun Radio. Donc, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vas-y, mais dis-moi. Du calme, quand même. Bah, quoi, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Dis-moi. Ozone. Ouais? Ou quoi? C'est quoi ça? Ozone. Ah, oui. Ça me dit rien du tout, moi. Non, c'est pas ça. Bah, si. Mais... Ozone. Non. Oui, alors, c'est ça. Dragosti Dinte. Hein? Mais pourquoi tu veux écouter ça? Ah, c'est vrai, je te brèche. Voilà, c'est ça. Oui, nous manoumaillés. Oui. C'est ça. Oh non, attends, c'était drôle là. Allô? Allô? Haïdouk? Allô? Ah non, c'est pas ça. Ah non. C'est Kielo? Ah non, Haïdouk. Haïdouk? C'est le langage d'Ikea, hein. Je dis ça, je dis rien. Et ce qui est bien, c'est que, a priori, personne ne sait ce qu'il raconte, mais t'essayes quand même de le chanter. Eh, vas-y, Aurélie, vas-y, essaye de voir si tu peux nous faire les paroles. Je ne sais pas vous dire comme ça. Mais allez, ça va Aurélie, lâche-toi. Il s'appelle Picasso. Il se bête. Ah, tu traduis carrément. Mais non. Allez Aurélie. No man no maie. No man no man no maie. Qui porte un Il devrait faire un duo avec Erai Strifi. Non. C'est la même langue. C'est vrai, mais on comprend rien, c'est pas grave. Et Aurélie, merci pour ce souvenir, hein. C'est cool. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu vas faire la soirée alors? Du briche. Oh, je sais pas. Tu sais pas. Bon, bah écoute, Aurélie, elle est calme. On va pas la déranger plus longtemps. Bonne soirée à toi. Bon, je sais pas pourquoi. Aurélie, gros bisous. La suite du son maintenant, c'est avec Diro, Bailar, que ça se passe. Et puis, il y a Barry qui me dit rien de vaut les Take That. C'est quoi ça encore? Ah, les Take That. Bon, bah, tu sais quoi, on va le passer. Ça sera juste après Diro avec Bailar sur Fun Radio. Bougez pas. Accrochez-vous! Salut, c'est Bruno. On fait l'appel? Christina présente. Karina. Mika. Et Anto du JPI. Présent. Vachez, présent frère. Meryl. Nicolas du web. On est là. Fonf, je suis là aussi. Salut, c'est Louzman. Eliott. Et ouais, je suis là. Réveillez-vous avec l'appel de Vachez. Le JPI. Le choc des générations. Le paiement de vos factures et du son dance floor. Tous les matins, 6h-9h, Bruno dans la radio, sur Fun Radio. La saison des festivals touche à sa fin. C'est pourquoi Jupiler présente le Festival National. Le festival clôture vraiment l'été, c'est 16 et 17 septembre, avec de la musique live dans 600 cafés Jupiler. Découvrez les cafés participants sur jupiler.be. Une bière se déguste avec sagesse. Cette semaine avec Flair, offrez-vous une thalasso pour deux personnes et ne payez que pour une seule. Il faut le Flair. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors de nos portes ouvertes, ces 10 et 11 septembre. Et profitez de nos offres exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein?

sur Fun Radio avec... Oh, c'est bon ça. Égophonique, ailleurs sur Fun Radio. Dis, ça va toi? Excusez-moi, c'est ma hanche. Le Big Game, c'est un jeu où tu peux gagner ou perdre. Comme dans la vie. Le Big Game, c'est la vie. J'en peux plus, je peux plus. Je peux plus continuer comme ça, heureusement il est tombé. Eh, franchement, il faudrait qu'on ait quelqu'un, tu sais, pour venir remettre de l'huile dans les micros. Fais écouter le bruit que ça fait, Sandro, quand on bouge les micros. Attends, tu veux que je bouge les micros? Vas-y, bouge pour moi. Truc de fou, sérieux. Si vous avez une bouteille d'huile qui traîne, venez chez Fun Radio, on en a besoin. Il faut graisser Audrey. Non, ça c'est bon. Niveau graisse, moi je suis au top. Bon, on va se faire la Pi Game là maintenant avec du cadeau à choper. Un pack Logitech G pour les gamers. Oh yeah. Avec le clavier qui coûte super cher. La souris pareil. Le tapis. Vous pouvez régler la sensibilité. Bon, ouais. Bref, c'est la totale. Il y a aussi le tapis. Et eh ben, le sac à dos pour fourrer tout là-dedans. Comme ça, vous perdez rien. Et Sabine, elle voudrait bien repartir avec ce joli pack. Salut Sabine. Bonjour. Ça va? T'as mal à la gorge, Sabine? Non, je suis une grosse fumeuse. Ah, bah, ça s'entend. Il y a de l'entraînement, Sabine, hein. Ça fait combien d'années que tu fumes? Une petite vingtaine d'années. Ah bah oui, c'est ça. On va rajouter les patchs pour Sabine dans le sac à dos si tu gagnes. Ça m'étonne. Bon, attends, et combien de paquets par jour? 9. Non, hein. Oh, un petit paquet. Oh, un paquet par jour, c'est énorme, ouais, ça. C'est énorme. Et quelqu'un qui fume dans l'équipe, non, hein? Sandro, tu fumes pas? Alison, ouais, évidemment. Balance. Mais elle, elle a toutes les tous les problèmes, en fait. C'est pour tout le monde du doigt. Alison, elle parle de trop, elle rate son année, ça ne va pas. Et en plus, elle pas fume. Bien, pas bien, je vais pas réfléchir bien à ton avenir dans cette équipe. Et vous avez déjà vu sa voiture ou pas? Qu'est-ce qu'elle a, sa voiture? Oh mon Dieu. Allez, laissez-la tranquille. Bon, Sabine, tu joues pour qui? Pour le pack, c'est pour toi? Non, pour mon mari. Non, hein. Oh, mais pourquoi vous faites ça, les filles? Vous savez qu'après, vous n'aurez plus aucune vie sexuelle. Ben, c'est justement pour ça qu'on le fait. J'ai déjà 3 enfants, il m'a déjà assez gâté. Énorme. Petite pensée au monsieur donc qui ne fera plus jamais l'amour. Voilà, c'est ça. Bon, alors Sabine, la première bonne nouvelle, c'est que tu repars déjà avec le tapis. Alors, maintenant, tu peux tenter de repartir carrément avec le pack entier, ce qui est quand même plus sympa. Est-ce que tu veux tenter ta chance à l'Happy Game? Parfait. Eh ben, c'est parti. Go. L'Happy Game sur Fun Radio. Sur Fun Radio, c'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Alors, il faut choisir quelqu'un de l'équipe pour ça. Tu as d'un côté Fab, il y a Sandro ou il y a Alison aussi au standard. Tu veux jouer avec qui, Sabine? Avec Sandro. Avec Sandro. Tu vas gagner direct. Bon, alors vous allez vous affronter au jeu du chiffre. Je pense à un chiffre dans ma tête, vous essayez de le deviner. Le premier qui le chope, eh ben, il repart avec le cadeau. Enfin, pas Sandro, mais juste toi, quoi. Merci, c'est gentil. D'accord, Sabine. Attention, c'est parti. Alors, je réfléchis au chiffre. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça, c'est pas gagné. Hein. Alors, le chiffre est 30. Ah, bah, tu sais quoi, on va faire facile. Entre 1 et 10. 1 et 10. Ah, je vous étonne. Hein. Bon, alors, Sabine, vas-y, c'est Sabine. Toi qui balance en premier. Le 3. Le 3, c'est plus. Bah, j'irai 4 alors, du coup. C'est plus. Le 7. C'est moins. 5. C'est plus. Ah, bah, le 6 alors. Bravo, bravo Sabine. Le pack Logitech G, il est pour toi. Enfin pour ton mari, enfin pour qui tu veux. Oui, c'est ça. Sabine, tu raccroches pas, on prend tes coordonnées, on t'envoie très vite ton pack, d'accord? Super, génial. Eh ben de rien. Félicitations, ça nous fait plaisir. Si vous aussi, de l'autre côté de la radio, vous avez envie de repartir avec ce chouette pack aussi, comme Sabine, vous vous inscrivez, hein, ça fonctionne pendant toute la soirée. Happy par SMS au 6322. C'est ce qu'il faut envoyer. Il y aura le son de Mo dans un instant avec Final Song. Et puis du Daft Punk, c'est bon ça faisait longtemps. Et il y aura aussi du Madcon. Tout ça, c'est ce qui arrive juste après les infos maintenant sur Fun Radio. Fun Radio. Ce mois-ci chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1000 euros dans votre magasin Château d'Axe. Et les infos, c'est avec Carlo Morello que ça se passe. Je veux d'abord signaler à Sandro qui joue super mal, hein, ce jeu. Pourquoi? Bah parce que plus que 3, je joue déjà 4, toujours mal à tous plus les que jeux. 3, 4, bah écoute, non, Carlo, il est mauvais globalement. Il y avait 3,5 aussi. Les copains, on ne se dispute pas. Il est jaloux, il est jaloux. Vous allez régler vos comptes après les infos, Carlo. C'est à toi. Avec encore un mur qui s'apprête à être construit pour empêcher les êtres humains de passer d'un droit à un autre, un mur plus modeste dans ses dimensions que celui que Donald Trump veut ériger entre le Mexique et les États-Unis, qui sera construit en principe d'ici la fin d'année à Calais. Ville célèbre pour ses bourgeois de la guerre de 100 ans et pour sa jungle actuelle. Le but de ce mur étant évidemment d'empêcher les migrants présents sur place de se rendre en Angleterre. Ce sont d'ailleurs les Britanniques qui vont prendre en charge la construction de ce mur de béton de 4 mètres de haut, puisque ce sont eux qui ne veulent pas de ces gens-là. Il faut savoir que malgré le démantèlement d'une partie du camp au début de l'année et le renforcement des contrôles, ce sont plus de 9000 personnes qu'abriterait la fameuse jungle de Calais, selon différentes associations en tout cas. Une jungle que les autorités françaises affirme vouloir démanteler. Ils ont annoncé la création d'ici la fin de l'année de quelques 8000 places dans les structures d'accueil. En Belgique, là, il n'y a toujours pas de mur, à part celui de Gramont que redoutent tellement les coureurs cyclistes. La Belgique où les ministres fédéraux se sont réunis ce matin pour évoquer les dossiers chauds de la rentrée, à savoir Caterpillar of course, mais aussi Etias, que Belfius pourrait racheter. Et puis, l'argent qu'il va encore falloir dégoter pour éviter que le budget dérape, c'est que les rentrées fiscales sont moins importantes que prévues, ce qui est devenu un grand classique, hein, tellement classique d'ailleurs qu'on peut se demander pourquoi les autorités se font chaque fois avoir. D'autant qu'en plus, c'est assez logique avec les politiques d'austérité menées. Okay, dans ce, le gouvernement tablait jusqu'à présent sur 2,4 milliards d'euros à trouver. Bah, ce sera plus que ça, un budget qui devra être mis au point d'ici la mi-octobre. En 20 ans, le nombre de prénoms différents a augmenté de 66% chez les garçons et de 62% chez les filles. Ça veut dire que les parents font preuve de plus d'originalité au moment de choisir un patronyme pour leur rejeton. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut appeler ses enfants à peu près comme on veut, hein, ce que mon voisin Goldorak n'arrive pas à admettre d'ailleurs, mais il n'est pas très ouvert d'esprit. Cela dit, il reste visiblement pas mal de parents qui manquent un petit peu d'imagination aussi, puisqu'en 2015, et pour la 13e année consécutive, quel a été le prénom le plus donné chez les filles, Audrey, à ton avis? Cunégonde. Non, j'égale. Je sais pas. Il y a beaucoup d'Alison. Bah, il y en a une dans le studio. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas pour ça que c'est le prénom le plus donné, c'est Emma. Oh, c'est mignon, comme dans les Spice Girls. 13 années d'affilée quand même. Ah oui, mais donc quand c'est même. Le prénom des prénoms. Alors chez les petits mecs, c'est Hugo. Non, c'est ça, c'est mon neveu. Non, c'est voilà. Louis. Louis. Louis qui a le plus. Ah, mon cousin. Tout vieux prénom. Revenu à la mode. Enfin, en tennis, le bel été d'Andy Murray s'est achevé à New York. L'Écossais, vainqueur à Wimbledon et aux Jeux Olympiques de Rio, a été battu en quart de finale de l'US Open au bout du suspense en 5-7 par le japonais Nishikori, finaliste de ce même tournoi il y a 2 ans, et qui va tenter de se qualifier une nouvelle fois pour la finale contre le Suisse Wawrinka, qui lui a battu l'Argentin Del Potro. L'autre demi-finale mettra aux prises Novak Djokovic, au français mon fils. Et puis chez les dames, pas de surprise, hein, la nuit dernière, Serena Williams s'est qualifiée pour le dernier carré face à la Roumaine Alep, même si elle a dû concéder la deuxième manche. Fun. Fun Radio. Les doubles bons doubles points du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Les doubles bons doubles points, vous voulez mon avis? Oh, moi j'adore. Franchement, j'adore. Bon, dans quelques petites minutes, il y a un auditeur qui va passer à l'antenne, il veut écouter du Take That. On est en mode boys band aujourd'hui, Carlo. C'est quoi ton boys band à toi? Bah les Beatles. Ah bah oui, effectivement, c'est pas la même génération. Non, mais c'était un boys band de début. Ah ouais, ça marche aussi. Tu veux écouter du Beatles à un moment donné, Carlo, sur Fun Radio, on peut le faire, hein, si c'est pour toi. Non, parce que je les connais par cœur. Ouais, il faut savoir, je vous raconte les coulisses vite fait de Fun Radio, mais quand vous passez, quand vous venez près du studio, il y a le bureau de Carlo qui est tout près. Quand vous passez, il est en mode rock'n'roll à fond dans son bureau, quoi. Les Beatles, t'écoutes quoi d'autre? C'est quoi ton kiff? Ouais, les Beatles, c'est pas le groupe le plus rock qui existe. Là, j'étais en train d'écouter les Red Hot. Les Red Hot, ouais. Attends, vas-y, chante un truc, c'est pour ceux qui voient pas. Take me on the other side, take me on the other side. Le son dance floor. Ouais, vas-y, Carlo. Bon, la météo peut-être. Vas-y, fais péter. Entre 21 et 24 degrés demain et du soleil. Prochain rendez-vous info. On dit mot, on dit me. Mot. Je sais parce que c'est le haut viking. Au barré. Bah ouais, mais non, c'est mot. Ah, c'est mot. Bah, c'est mot qu'on entend. Mot. Bon. Fun Radio. En septembre chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violins. times, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Raccord avec les boys band parce que le générique de l'émission, franchement, ça aurait pu être une chanson des 2B3. Ouais, ou des pop home girls. Ah, j'adore, c'est énorme. Et merci d'être là en tout cas sur Fun Radio, c'est la Power pour ceux qui se branchent peut-être pour la première fois. C'est comme ça tous les jours de la semaine de 17h à 20h. On est en direct là, hein, 18h08. Moi c'est Audrey, il y a Fab qui est là. Il y a le Sandro, il y a le Kéké du Standard et puis Alison aussi. Coucou. Qui sont là pour répondre à vos petits messages, à vos appels. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler au Standard, comment on fait, Sandro? C'est quoi le numéro? Yes, vous composez le 02 851 4x0. Et puis c'est la belle Alison qui répond. La belle, je sais pas, mais Alison. Oui. Je rigole. Bon, mais t'as raison. On s'est dit qu'on allait faire un petit kiff aujourd'hui dans l'émission avec les boys band parce que il y a trois mecs de groupe avant. Vous savez, les 2B3, il y avait qui d'autre? Il y avait Franck des 2B3, il y avait Alan Théo et Chris des G-Squad. Voilà, eux en fait, ils vont se reformer pour faire Génération Boys Band et partir en tournée et refaire toutes les chansons des boys band de l'époque qu'on kiffait, quoi. C'est énorme. Mais c'est un peu le truc du moment. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a le truc Génération 80 où ils prennent vraiment tous les vieux. Hey, ils ont fait Génération 90. Voilà. Benny B. Il y avait Benny B. Mais vous êtes fous. Oh, ouais. L'autre avec sa canne là. J'ai dit comment il s'appelle. Charles Aznavour. Non, pas lui. Grand corps malade. Barry White, c'est possible, celui avec la canne. Non, Barry White. Il est sous terre, Barry White. C'est pas lui, donc t'as la canne là. Alors, Sandro, tu vas te renseigner. Merde. Tu reviens après, s'il te plaît. J'en reviens après. Ouais, c'est ça. Bon, on a David qui vient de Châtelet qui est là aussi. Salut David, ça va? Salut Audrey, ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais de beau, David? T'es en voiture, j'entends tes clignotants. Ben oui, je viens de me garer, je reviens du boulot. Bah écoute, ça a été la journée, pas trop difficile? Non, ça va, j'écoute une radio, donc tout va bien. Ah, c'est cool, tu bosses dans quoi? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment, bah t'es un courageux. Eh, c'est bien quand il fait beau comme ça, non? Oh, ça doit être dur, quoi, il fait hyper chaud. Ouais, tu bosses torse nu sur le bord de la route, c'est ça? Ah ouais, David, fais-nous rêver. Ouais, mais sur le bord de la route, c'est pas le bâtiment, c'est les travaux publics. Tiens, bim. Ah, okay, d'accord, je sens de l'hostilité en toi, mec. Hein. Bon, David, on se fait un petit kiff dans l'émission aujourd'hui avec les boys band d'avant, toutes les chansons qu'on kiffait, les Backstreet Boys, les 2B3, bref, il y en a plein. Toi, tu voulais écouter quoi, David, aujourd'hui? Mais les Take That. Take That. Ah oui. Alors, ça... Ah ouais, c'est ça. C'est maybe I just Back for Good. Want you back. Want you back. Want you back. Want you back. Je l'ai détesté, moi. Oh, ah, moi j'aime. Attends, on écoute. Oh, mais William vient de là. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, il a commencé là, quoi. Gary Barlow. Ah non, je savais pas. Tu. Énorme. Bah, tu vois comme quoi tous ceux qui font les boys bands à un moment donné ils peuvent s'en sortir, quoi. Ah ouais, il y en a qui chantent bien, hein. Non, ils parce pas que des fois on se moque un peu. Tu vois, genre quand tu fais un boys band, tu fais oh là là, les ringards. Ah mais moi je les détestais pas parce que ils chantaient pas bien, ils chantaient bien, mais je les détestais parce que toutes les filles de ma classe, elles voulaient un mec, quand je voulais sortir avec elles, elles disaient non, moi je veux un gars qui ressemble à Marc, moi je veux un gars qui ressemble à Robbie, moi je veux un gars qui. Ah, ils sont tellement beaux et puis ils chantent des chansons d'amour, ils dansent comme des dieux. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie, Fab? Ouais. David, à part Take That, il y avait un autre boys band que tu kiffais? Les NSYNC. Oh ouais, qu'est-ce que tu disais, ça? Avec Justin Timberlake. Oh, les quoi? Les NSYNC. Comment s'écrit? N. Comment? N-S-Y-N-C. Ah, les NSYNC. Comme ça se prononce, quoi, en fait. D'accord, ok. Mais c'était le. Avec Justin Timberlake dedans? Ouais. Attends, mais moi j'ai loupé un truc dans ma life. Moi qui l'ai fait un boys band, lui. Mais non, moi non plus. Je sais, il avait fait Britney Spears. Ouais. Et Mickey Mouse. Après, il était devenu chanteur. Je savais pas qu'il avait fait. Mickey non, mais moi non plus. Eh, c'est cool ça. Et n'empêche, moi je savais pas. Franchement, j'avais l'impression que tous ceux qui faisaient les boys bands c'était des gros ringards. Mais je retire tout ce que j'ai dit de toute la life. Hein. Voilà. Bon, bah, merci David d'être passé à l'antenne. Tu vas faire quoi ce soir? Ben là, on rentre, on va manger en famille. Oh, c'est mignon. Eh ben, David, gros bisous à toute ta petite famille. Je te fais des bisous, David. Merci, autant de repas. Tu reviens quand tu veux. Bisous. Eh, on a les NSYNC, Sandro. Ouais, j'ai trouvé sur YouTube. Alors. Vas-y, fais péter. Je crois que c'est les Backstreet Boys à moi. Oh, écoute-moi cette voix, quoi. Oh là là. Moi je craque, hein. Ça y est, moi je suis perdu là, c'est bon, hein. Bravo, c'est bravo. Ça, mais j'avais pas reconnu tout de suite. Allez, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est quoi le truc que vous avez envie d'écouter? 3044 pour vos petits messages. Il y a Chantal qui me dit, moi c'est les 2B3. Et oh, Massimo, Alliage. Ah oui, c'était oui, bon ça. On va le chercher, hein, pendant ce temps-là. On va se faire le son de Daft Punk maintenant. Oh, ça aussi c'est bon quand même. Around the world. Aussi c'est un boys band, non? Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur Fun Radio. Le meilleur son c'est ici. Bougez pas, restez bien là si vous êtes branchés avec nous. Il y aura aussi du Matcon dans quelques petites minutes. Et puis du cadeau qui va tomber. On vous explique tout ça dans quelques petites minutes. Il y aura le Vaché Time aussi, le gars un peu bizarre le matin dans Bruno dans la radio qui appelle les gens, qui les fait chier. Et aujourd'hui le gars il s'est surpassé, hein, ça arrive. Juste après Daft Punk maintenant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. We'll be right back. keep my cool. Et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant. Mais et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. How to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your trunk, how am I supposed to keep my Radio. La suite, c'est avec Boom que ça se passe. Aloha, il y a aussi du Boosty, le nouveau, la popcorn. On se fait ça juste après les potins. Tout, vous saurez tout sur le zik. Oh, dommage. Sur les people. Vous saurez tout sur les people. C'est l'heure des potins et popotins. Elle était énorme, cette chanson. Tout, ah, je croyais que tu parlais d'autre chose. Sur le zizi, le petit, le gros, le petit joufflu, je sais plus comment tu ça veux, va. Tu veux, je peux te donner des cours. Non, merci, oh, ça ira. Fais plutôt les potins, fais-nous rêver, t'as des infos croustillantes. Ouais, bon, aujourd'hui j'ai fait l'égoïste, j'ai pensé à moi. J'ai regardé des trucs qui me plaisent à moi. Et je suis tombé sur un truc. Ça pue, ça. Est-ce que vous aimez autant que moi dans ce studio Game of Thrones? Oh, que oui, on aime Game of Thrones. C'est peut-être bien que Christophe qui vient de Serein, il aime aussi Game of Thrones. Bonjour Christophe. Bonjour. Bon, et bienvenue à l'antenne de Fun Radio. Tu t'installes, tu te mets dans ton petit fauteuil, on popote ensemble. Ça te va? Ok. Bon, Christophe, est-ce que tu mates Game of Thrones, toi? Oui, hein. Ah, tu es. Ah, c'est qui ton personnage préféré? J'ai pas, comment dire, les Stark, évidemment. Ah oui. Oui. Moi, ah, c'est ouais, Tyrion ouais. Lannister. Ah, Tyrion, c'est lequel? C'est celui qui... C'est le petit nain. Ah bah, tu m'étonnes. Le petit nain, t'as déjà vu des grands nains, toi? Non, mais... T'es marrante, là. Ah, tu es un petit nain, toi? Bah oui, c'est lui que je préfère. Il est fourbe, il est sournois, il est malin, il a de la gueule, il est chouette. Il est mais tout bon, comme on va toi. Pas... Voilà, exactement. On va pas parler de lui. Il y a une annonce qui a été faite, comme quoi il y a quelqu'un qui risquerait de rejoindre la saison 7 qui est en plein tournage actuellement. Ouais. Une actrice qui a déjà un certain âge, elle a plus de 90 ans. Pardon, elle va, plus de 90 ans. Et elle va rejoindre la saison, peut-être pour deux épisodes. C'est la rumeur qui agit de la toile. Donc une actrice de plus de 90 ans qui va faire Game of Thrones. Oui, et c'est pas Madonna. Oh, alors, là, c'est un coup de balai. À votre avis, qui ça peut être? 90 ans, une actrice de 90 ans. Tu l'attends pas là-dedans. C'est quelqu'un que tu verrais pas là, mais je suis sûr que t'as déjà vu une série avec elle au moins une fois. Mais c'est quoi, franchement, je réfléchis, et même une actrice de 90 ans, j'en connais pas. Si vous avez une idée de l'autre côté de la radio, dites-moi, hein, 30-44 pour vos messages. C'est qui à ton avis, Sandro? Ariel Dombal. Ariel Dombal. Ah, c'est celle qui... Oh, chiante voilà, comme ça, la chiante. Ah non, j'espère que c'est pas elle. Elle a pas encore 90 ans, je pense, elle. Elle a l'air, en tout cas. Sa poitrine, en tout cas. Ça commence à pendre. Oh non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Est-ce que c'est une Française, déjà? Non, c'est une Américaine. Qu'est-ce qu'une Française va foutre dans Game of Thrones? Bah, je sais pas, on sait jamais. Christophe, tu peux poser une question, hein. Vas-y. Non, non, mais je sais pas, moi aussi, je suis surpris par ça. Arrête de nous foutre dans le bordel, toi aussi, Cricri. Attendez, bon, il faut que tu nous aides un petit peu, Alissa, du Standard, à ton avis, c'est qui? Jessica Lange. Hein? Non, c'est une actrice connue, vieille. Une actrice qui joue dans King Kong, le film. King Kong, d'accord, mais non, je vois pas. J'adore la référence quand même. Je vous donne son nom. Ah, vas-y. Angela Lansbury. Ça vous dit rien, ça? Angela Lansbury. Lansbury. Elle a fait quoi, un film? Ah, mais si je te dis, après tu vas tout de suite. Attends, je vais faire un autre truc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a joué dans des films, dans des séries? Dans une série. Dans une série. Je vais vous donner son nom de la série. Ah. Et vous allez me retrouver la série. Ah, donne plutôt la série alors, c'est plus facile. Excusez-moi, je ne comprends plus rien. On doit chercher quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, l'actrice, balance. C'est bon. Je donne quoi alors? La série ou le nom de l'actrice? Bah, donne le nom, vas-y, je vois que c'est Jessica Fletcher. Oui. Ça doit vous dire quelque Jessica chose. Jessica Fletcher. Ça te dit quelque chose quand même. Ah non, Christophe, tu connais toi Jessica Fletcher? Ah, mais j'étais pas fan. À mon avis, à cet âge-là, non, du tout. Mais j'ai une petite idée. Vas-y, balance, vas-y, aide-nous. C'est qui, à ton avis, c'est quoi? Je vais pas vous casser la rubrique maintenant. Tu vois pas qu'on galère? D'arabesque. Ouais, c'est elle, la petite vieille d'arabesque qui résolvait des crimes et tout ça. Il paraît qu'elle pourrait jouer dans deux épisodes de Game of Thrones. Ça va pas être possible. Pourquoi? Alors, rien que le générique de la série. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Je ne vais pas la blairer. Après, ils vont mettre un autre générique, je pense. Mais qu'est-ce qu'elle va faire dans Game of Thrones? C'est quoi le rôle? Non, mais sérieusement, ils disent ce qu'elle va faire ou pas? Non, c'est juste une rumeur. C'est juste qu'elle va rejoindre le casting. La saison 7, elle n'a même pas encore tourné, quoi. Parce que non, Sandro, ne mets pas ça. Oh non! T'imagines, elle avec sa machine à écrire. Ça passait toujours après les feux de l'amour sur la une. Franchement, ça a ruiné mon enfance. J'oubliais que tu regardais les feux de l'amour. Bah oui, ma mère surtout. Et puis je devais me taper ça. Sérieusement, c'était pas possible. Tu regardais toi Arabesque, Christophe? Oh non, du tout. Bon, évidemment, comme c'était Game of Thrones, on suivait un petit peu les infos. Donc voilà. Bon, par contre, il faut pas qu'ils viennent foutre le bordel. Moi, je veux pas d'elle dans Balépat. Ils voulaient mettre Derek à la place, mais c'est pas possible. Oh, il y a un message qui vient d'arriver. Ils vont lui péter les pattes arrière à Jessica Fletcher. J'adore, franchement, c'est énorme. Bon, mon Christophe, je te fais des gros bisous. Tu reviens quand tu veux. Moi aussi. Okay, salut, bisous, merci. Bisous. Franchement, j'espère franchement que Jessica Fletcher va pas faire des scènes de cul. Hein. Sérieux, ça va. Je vais mal le vivre. Hein. Dans un instant, c'est Boosty qui arrive avec Popcorn. Et avant ça, on se fait môme avec Aloha sur Fun. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule. Ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02 851 4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. Excusez-moi, la Peugeot 308 là, les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique et elle a aussi l'eye cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. En septembre chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de MediaMart. Sous les projecteurs, une TV LED Full HD Samsung pour 499 euros seulement. Soit 150 euros de moins. Maintenant dans nos magasins et sur MediaMart.be. MediaMart, je ne suis pas fou. Cette semaine avec Flair, offrez-vous une Thalasso pour deux personnes et ne payez que pour une seule. Il faut le Flair. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Ici la voix. Soyez les bienvenus dans Secret Story. Secret Story, la quotidienne, c'est du lundi au vendredi avec Julie Taton et Christophe Beaugrand à 18h50 sur Plug RTL. C'est tout. Pour le moment. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. Comment tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted.

pour faire fantasmer des gamines de 14 ans. Carrément qui comprennent rien aux paroles, parce que de toute façon elles s'en foutent. Quand elles seront grandes, elles sont comme Kim Kardashian. Mais là ils ont tous plus de 40 ans, quoi. Ils vont faire fantasmer. Ouais, mais c'est parce que les fans de l'époque, nous aussi on a vieilli. Genre moi quand j'étais fan j'avais 12 ans. Là maintenant j'en ai 29, tu vois, genre ça m'emballe. Ouais, donc le concept c'est de faire fantasmer des mamies qui ont Alzheimer et qui de toute façon se souviennent pas d'eux. Ça va, 29 ans on n'est pas une mamie, t'es gentil toi. Oui, mais c'est plus pour tes parents. Hein. Dis, tu rigoles? C'est carrément ma génération ça. Hein. Ah ouais. Les 2B3, Backstreet Boys, c'est moi ça, c'est, j'étais là. Hein. Mais si t'es pas une mamie, pourquoi tu mets des pampers? Bah parce que j'expliquerai. D'accord. Enfin, remarque, en 20 ans, ils ont peut-être eu le temps de prendre des cours de chant, non? Oh, tu penses pas? C'est pas. Et les paroles, sérieux, on en parle des paroles? Même Kim V, quand il écrit une chanson, il s'applique plus, quoi, tu vois. Les G-Squad, ils ont eu du succès avec ça. Laisse mon amour t'envahir, assouvir tous tes désirs, désir à boire en élixir, on ira, tu verras où tu voudras. Oh merde. Sérieux? Désir à boire en élixir? Le dictionnaire des rimes, il a fait 3 tentatives de suicide. Après, il paraît que maintenant, le petit Robert, il a fini dans la rue, il se prostitue pour payer sa drogue, c'est devenu l'enfer. Alors, et tu préfères des paroles comme ça qu'on comprend pas? Oui, ah bah parce d'accord. qu'on les comprend pas. Alors, ce que je comprends pas, les mecs, il y en a certains d'entre vous, genre Philippe, qui ont eu des attitudes beaucoup plus classe, tu vois. Philippe, quand il a dit partir un jour, il l'a est fait. Vraiment parti. Alors, les mecs, je sais que pondre des beaux textes, c'est trop vous demander. Mais faites comme lui, respectez ce que vous dites. Ou alors faites comme M. Pokora, des reprises de Clo-Clo. Quand vous partez en tournée, dans votre rentelle, une petite douche, une ampoule et le tour est joué. Mais enfin, mais c'est quoi cette aigreur envers les boys bands? Et vous êtes du même avis que Fab ou pas de l'autre côté de la radio? Ça vous fait plaisir ou pas d'apprendre que les boys bands ils sont de retour? 30-44 pour vos messages. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle, moi. Non. Enfin, moi ça me fait kiffer. Juste, ils ont plus de thunes et puis voilà, ils vont faire une tournée. Moi je suis contente de les voir revenir, t'es méchant Fab. Méchant, ouais, méchant. Bon allez, on va sur le son de Sigala sur Fun Radio pour nous envoyer des petits messages. C'est au 30-44 que ça se passe, 50 centimes l'envoi. Il y aura aussi du Rihanna et du Drake et puis du cadeau. C'est bien là. I just don't understand. Fun Radio présente la Lotto City Para 2016. Le plus grand événement 100% gratuit du Benelux. Samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel à partir de 14h. Opening Festival, parade, closing festival, 2 podiums, 20 chars et plus de 100 DJs. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel avec Plug RTL. Info cityparade.be. La question du jour de Pizza Hut. En 10 secondes, dites-moi pourquoi aujourd'hui c'est le jour le plus sensationnel de la semaine dans les restaurants Pizza Hut. Le jeudi, on a une entrée, un plat, un dessert et une boisson pour seulement 10 euros. Encore 3 secondes. Pizza Hut, jeudi tout compris, 10 euros. Oui! Maman, c'est quoi un putsch? Eh bien, c'est un coup d'état. Tu vois, c'est un coup qui te putsch. C'est de l'anglais. To push, I putsch, you putsch. Hein, comme dans la chanson, quoi. Allez, putsch là, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu vois? Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love. You give me your- Supporter les chorégraphies de Sandro qui essaye de checker son boule, mais il n'y a rien qui check, quoi. C'est une catastrophe, sérieusement. Bon, merci Sandro, ça ira. On va enchaîner avec le son d'Emma Simons et Sydney Samson. C'est bon ça? Escape from Love. C'est ça. Ouais, j'ai fait anglais première langue. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je vois c'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ah, et là, on va parler d'un sujet douteux dans l'horoscope. On va vous dire s'il serait peut-être pas temps de commencer un régime, les copains. Hein. Ouais. À un moment donné, il va falloir y aller, les béliers. Alors, effectivement, il serait grand temps. La dernière fois que vous êtes pesé, votre balance indiquait chacun son tour. Oh. Les taureaux. Vous n'êtes pas gros. Enfin, si vous appartenez à la race des vaches, là, ça va, vous êtes mince. Par contre, si c'est les humains, là, c'est. Mais dis, ça va, toi, les gémeaux. Vous avez un peu pris des fesses. Hein. La dernière fois que vous avez mis un string, il vous a fallu 3 jours et 6 personnes pour retrouver la ficelle. Oh, et c'est comme les gens que tu croises sur la plage, tu sais, genre parfois il y a des demoiselles qui sont assez fortes et du coup tu vois pas qu'elles ont un maillot. Oui, non bah, comme quand on était à la plage. Oh, infâme, les concerts. Je dis pas que vous êtes trop gros, hein. Non, c'est juste que ça va plus vite de sauter au-dessus de vous que de faire le tour. Je t'emmerde. Hein. Les lions. Un petit régime s'impose, hein. Vous savez qu'avec qu'une seule de vos cuisses, on règle le problème de la faim dans le monde. Balance. Vous êtes tellement gros que sur Facebook, vous arrivez à vous identifier dans 3 endroits en même temps. Scorpion. Vous avez autant de chances de réussir votre régime qu'une star du X de trouver le père de son enfant du premier coup. Sagittaire. Il serait peut-être temps d'arrêter de manger du sucre. Hein. La dernière personne qui vous embrassait est morte du diabète. Les Capricornes. Il est plus que temps de commencer un régime. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais la dernière fois que vous avez vu vos pieds, on pouvait dire « J'espère que Grégory va gagner la Starac. » Les Verseaux. Vous êtes tellement grossi que si vous aviez voulu être djihadiste, il n'y aurait pas eu de ceinture à votre taille. Enfin, on termine avec les Poissons. De l'espace, on voit 3 choses. La Grande Muraille de Chine, nos autoroutes et vous. Énorme. Bon, allez, pour la suite, on va vous envoyer à Las Vegas, la seule radio où on peut faire la teuf partout dans le monde. Et bah, c'est ici que ça se passe. On va vous envoyer avec Desperados dans un avion gravité zéro. C'est bon, bref, c'est un programme de psychopathe. On va vous expliquer tout ça juste après le son d'Eva Simons et Sidney Samson maintenant sur Fun. Avec Fun Radio, partez vous éclater à deux toute une année à Walibi avec vos Golden Pass. Fun. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez Major Lazer. Double Fun. Yo, this is Major Lazer on Fun Radio. Écoute à la suite. C'est le Double Fun sur Fun Radio. Double Fun. Soyez le premier à envoyer Walibi par SMS au 6322. Un euro message et gagnez vos Golden Pass pour profiter autant que vous le voulez de l'univers Walibi toute une année. Oh là là, vous me faites trop plaisir, je vous adore trop. Les cadeaux les plus fun, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Vous avez entendu ça? Ce sont les journées colossales chez Colishop. Avec des réductions énormes jusqu'à moins 50% sur les ustensiles de cuisine, les casseroles et une foule d'autres articles. Jusqu'au 11 septembre sur colishop.be. Jupiler clôture le Festival National avec une ultime after party. Le Festival Grand Final. Le 24 septembre à l'ancienne Belgique avec un show live des Van Jets. Tentez de remporter un duo ticket à l'achat de Jupiler. Infos et conditions sur jupiler.be. Se déguste avec sagesse. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son Dance Floor. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partager, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un chèque OctaPlus de 50 euros sur l'avenir.net/rentrée. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor. Step off the train at dawn, back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong.

La suite du son Dance Floor, c'est avec Justin Timberlake que ça se passe sur Fun Radio. Can't Stop the Feeling. Merci d'écouter Fun, ça fait plaisir. On est en mode Happy Hour là en direct. Il est 19h et ça sera comme ça jusqu'à 20h avant sa surprise. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Eh ouais, la teuf partout dans le monde entier. C'est que sur Fun Radio que ça se passe. On vous envoie, les gars. Mais c'est énorme. Franchement, j'en reviens même pas. À Las Vegas. Oh. Avec Desperados et Fun Radio, vous allez vivre, mais franchement, des expériences de malade. Ah ouais. D'abord, la Gravity Zero, est-ce que vous avez déjà fait ça dans l'équipe ? Pas du tout. En gros, le principe, il est simple. Vous allez dans un avion, il décolle et à un moment donné, il coupe les gaz. Il se crache, en fait, en gros. Mais en fait, c'est la sensation, tu vois, quand il coupe les gaz, vous avez l'impression de sautiller un peu en apesanteur, comme si vous étiez sur la Lune. Alors, le truc sympa, c'est quand même, après, il redécolle. Hein. Il va pas se cracher dans le fond. Il va pas te tuer. D'accord. Bah, c'est énorme. Vous allez pouvoir faire cette expérience là-bas, donc à Las Vegas, avec un DJ qui sera dans l'avion, carrément en train de mixer. Le gars, tranquillou, tu vois, en apesanteur, il va devoir gérer le machin, mais ça va être énorme. Et après, sur place, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les plus grandes discothèques de Las Vegas. Oh, ça, c'est bon. Non, mais ça, c'est énorme. T'imagines, tu peux arriver en grand prince VIP et tout machin. C'est sûr, vous serez pas refusé à l'entrée. C'est ça qui est top. Voilà, aux États-Unis, vous allez pouvoir faire la fête dans c'est la ville de la teuf, hein, Las Vegas. Ça. Les casinos, les discothèques, ça va être de les la femmes. Pure folie. Et en plus de ça, les femmes aussi, on va savoir déjà demain. Demain, en début d'émission, à partir de 17h, on va tirer au sort le grand gagnant. Si vous voulez tenter votre chance, si votre rêve, c'est d'aller à Las Vegas avec Desperados, et ben vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez Despé par SMS au 6082, tirage au sort demain, hein, à partir de 17h. Bonne chance! Fun Radio. Ce mois-ci, chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit, à seulement 1 000 €. Dans votre magasin Château d'Axe. C'est le Vachetine qui arrive pour la suite de l'émission. On va vous dire aussi... on va sur le Battle Sound, ça fait longtemps, tiens, c'est cool. Il y aura ça dans quelques petites minutes après le son de Justin Timberlake. Et bah, des infos avec maintenant Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. La NASA se lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure qui s'annonce passionnante. Elle va lancer une sonde de 2 tonnes qui devra ramener 60 grammes de matériaux riches en carbone issus de l'astéroïde Bennu. Des échantillons que les scientifiques pourront étudier en 2023, mais ça vaut sans doute le coup d'attendre. Hein. En tout cas, ces échantillons contiennent, comme espéré, des molécules organiques datant des débuts du système solaire il y a 4,5 milliards d'années et qui pourraient fournir des informations et des indices sur les origines de la vie. L'a dit la NASA, d'autres projets en chantier avec notamment un nouveau robot qui devrait se rendre sur Mars en 2018. Alors, il ne faut pas être pressé avec la conquête spatiale. L'homme a marché sur la Lune en 1969, un demi-siècle plus tard, il n'en a toujours pas fait autant sur la planète rouge, la plus proche pourtant de la Terre. C'est peut-être pas ce rythme-là qu'on se serait installé sur une autre planète habitable avant que la Terre soit devenue trop hostile à l'homme. Hein. Quoi qu'il en soit, la future sonde martienne sera notamment chargée de forêts à 5 mètres de profondeur, ce qui nous permettra de mieux connaître Mars, mais aussi les autres planètes rocheuses, dont la Terre. Bon, puisque nous sommes dans l'espace, restons-y, ça nous changera des monstruosités évoquées en permanence dans ces infos. Restons-y, ou plutôt revenons-en, comme viennent de le faire un astronaute et 2 cosmonautes, c'est-à-dire un Américain et 2 Russes, de retour de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. 3 hommes qui viennent de passer 172 jours en orbite, même que ça a permis à l'Américain Jeff Williams de battre un record, celui du plus longtemps passé dans l'espace, en plusieurs fois évidemment, hein, ces différentes missions lui ont permis de passer 534 jours en orbite. Autre record, celui de l'Américain le plus âgé à avoir vécu à bord de l'ISS, vu que ce monsieur a 58 ans. 2 bonnes raisons donc de se la péter, mais les astronautes, c'est bien connu, sont réputés pour leur modestie. Bon, nous sommes allés loin dans l'espace, maintenant on va remonter loin dans le temps, grâce à une Australienne qui, en se baladant sur une plage, a découvert les traces d'un dinosaure qui s'était promené au même endroit il y a 100 millions d'années. Vous me direz que si on vient à peine de découvrir ces traces, c'est que l'endroit n'est pas très visité, mais en fait, ces traces étaient dissimulées sous le sable. Notre promeneuse a juste remarqué une petite marque, ce qui l'a incité à nettoyer l'endroit et à faire cette découverte pas banale. Enfin, ça fait 50 ans qu'on a découvert dans un lac d'Écosse le squelette fossilisé d'un monstre marin, mais ce n'est que maintenant qu'on a pu l'étudier, après l'avoir libéré de la roche très dense qui l'entourait, même qu'il s'agit non pas du monstre du Loch Ness, mais bien pire, d'un ichthyosaure, un géant marin qui peuplait notre planète il y a bien longtemps et dont on pense qu'il a disparu plusieurs dizaines de millions d'années avant les derniers dinos. Les doubles bons double points, du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Ah bah oui, hein. Moi, ça fait déjà quelques semaines que je les avais avec moi. Hein. Ah bah attendez, je savais que ça allait arriver.

pop, il y a de la réclamation là au 3044. Je vois un petit message qui est arrivé. On me dit je veux du Linka et Mondelo. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc à bouffer? Non, c'est un cocktail. C'est deux DJ Carolo, je pense. Ah ouais, bah, on n'a pas ça. Linka et Mondelo G, mais je suis pas sûr qu'ils ont sorti un son. Ah ouais. Linka. Linka et Mondelo. Mondelo. Je connaissais Mondelo. C'est Carolo. Et d'où je connais pas ça, moi. Attends, c'est ma ville. 6000 représente. Je n'ai ouais, rien. On n'a rien. Bon, hey, bah, tu sais quoi? Si tu veux ça, tu peux me l'envoyer. Hein, audrey@funradio.be et puis comme ça, on le passera à l'antenne. C'est promis. Avant de vous parler d'un chouette truc aussi, d'un chouette événement que Fun Radio est partenaire. Et, voilà, c'était pas français comme phrase, mais vous avez compris. La City Parade, les copains. Ah, c'est quoi ça? C'est chouette ça. C'est ce week-end, c'est samedi. Waouh, ça passe vite. Hein. Mais je sais pas c'est combien. Hein. Ce week-end déjà. T'es ouais, c'est samedi, c'est ce samedi. Ah ouais, ça passe vraiment vite. Et c'est à Bruxelles cette année. Ah, je avec peux aller, alors, Fun Radio. Bien. On va vous en parler dans quelques petites minutes. On aura l'organisateur en ligne. Avant ça, on se fait le Vaché Time. Vaché, c'est qui? Eh ben, c'est un petit nouveau maintenant qui fait partie de la famille de Fun Radio. Tous les matins, entre 6h et 9h, dans Bruno dans la radio, il appelle des gens pour les faire chier. Il a fait quoi aujourd'hui? Exactement, en fait, il s'est fait passer pour Madame Relou. Bah oui, comme son nom l'indique, il a été un peu relou. Il a appelé un peu tout le monde et il s'est fait passer pour quelqu'un, mais vraiment de casse-couille. Allez, on écoute. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est Madame Relou. J'aurais besoin que vous soyez chez moi à 12h30. À 12h30? Pour une livraison de maquiton, il m'en faudrait deux, et puis une soupe miso. Madame, je pense que vous êtes trompée parce que vous êtes chez un plombier, là. Ah, j'ai fait un faux numéro. Tout à fait. Ah, je suis désolé. Merci de m'avoir, de me l'avoir dit, parce que là, je parlais pour rien, là, du coup. De rien, madame. Merci de votre gentillesse. On aura bien rigolé, au moins. Allô? Oui, bonjour, c'est Madame Relou, je vais vous prendre non, deux maquis au thon. Vous me rappelez encore un coup, c'est le plombier. Alors, le maquis saumon, essayez de bien l'enrouler, madame. Des fois il y a des défauts, j'ai remarqué. Non mais vous le faites exprès ou quoi? Je vais prendre une bière açaï, comme on dit au Japon, hein, je l'adore celle-là. Oh, vous le faites exprès, madame, faites-vous soigner, faites quelque chose. Oh. Allô? Oui, bonjour monsieur, il y a eu un malentendu, je déteste déranger les plombiers. Eh bien arrêtez de m'appeler alors. Et je suis content d'atterrir enfin sur votre service de sushi. Alors je vais vous prendre des maquis thon. Ouais, j'arrive là, j'arrive de suite. Ah, vous pouvez me livrer avant midi? J'arrive chez vous, je vais vous casser la bouche. On est d'accord? Alors, arrêtez, voilà. Arrêtez parce que j'arrive chez vous, là, je viens chez vous là maintenant. Vous pouvez penser aux baguettes hein, surtout. Madame, arrêtez, il vaut mieux, je perds patience là. D'accord, bon. Non, en fait j'avais vraiment quelque chose à vous demander en rapport avec la plomberie, bien évidemment. Alors qu'est-ce que tu veux? Un bon rouleau de printemps. Va te faire reculer, connasse. Ah non mais comment il parle aux vieilles dames, c'est pas cool la pauvre. Bon qu'elle s'appelle relou, mais bon si elle a des questions, hein. Bah oui, bah voilà. Bon, il faut servir. Le Vaché Time, c'est tous les matins hein, sur Fun Radio, entre 6h et 9h dans Bruno dans la radio. C'est le nouveau morning de Fun Radio. On fait des gros bisous à Icaro, je sais pas si ça se dit comme ça, qui écoute l'émission. Il y a Jujule aussi, mais qu'est-ce que c'est que ces prénoms? C'est super original. Il y a le son de Lost Frequencies maintenant aussi sur Fun. Bienvenue. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Radio. Arrive pour la suite du son d'Explore sur Fun avec Alex Jeremy, il y a aussi Cheat Codes. C'est le tout nouveau là, c'est la première fois qu'on vous le passe dans la Pioir. C'est ce qui arrive, mais d'abord, on va vous parler d'un événement qui va vous faire kiffer, les gars. Si vous êtes fan de son d'Explore, et ben c'est pour vous, ça se passera ce samedi à Bruxelles. Évidemment, on parle de quoi? La City Parade. Et on a Emmanuel de Roubaix, le responsable communication de la City Parade, qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va bien? Et ben super. C'est plutôt pas mal. Merci d'être là. Il y a tous les auditeurs qui sont comme des fous hein, pour samedi. Alors Emmanuel, pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore eu la chance d'aller à la City Parade, qui connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots c'est quoi le concept? Ah bah c'est très simple. Tous ceux qui rêvaient d'aller dans d'autres festivals où on payait très cher pour aller écouter des DJ, eh bien ils n'ont qu'à venir sur le plus beau site de Bruxelles, c'est-à-dire le plateau du Hesel, là où il y a l'Atomium, pour venir faire la fête entre 14h et 1h du matin, et c'est gratuit. Et ça c'est très énorme. Dire. Oh, c'est, bon. C'est gratuit. Et en fait, il y a des chars, c'est ça? Il y a des chars et plein de DJ, donc tous les plus grands DJ seront là. En plus, on annonce du beau temps, donc ça, je pense que c'est important de le dire. On annonce 26 degrés, donc je pense que la fête sera totale. Et c'est effectivement ça. Il y a deux scènes où défilent une centaine de DJ. Et puis la particularité, c'est qu'il y a effectivement une parade, c'est-à-dire des chars qui ont été décorés par les plus grands clubs de Belgique, voire même de l'étranger, et qui tournent une première fois en fin d'après-midi. Et puis c'est nouveau, il y aura aussi une parade nocturne, c'est-à-dire quand il fera noir et que l'atomium va briller de mille feux, et ben les chars vont encore faire un tour. Trop et bien. Tout ça se termine à 23h30 par un feu d'artifice qui est lancé depuis le palais 5 du Hezel. Ah ouais, comme genre, c'est dans Paris. Ouais, on se fait plaisir là, voilà. C'est bon hein, pour. Et c'est quoi, c'est la 16e édition déjà, Emmanuel, de la City Parade? Alors c'est la 16e édition. Ce qu'il faut dire, c'est que nous aurons un invité d'honneur qui est le Dr Mott. Ouais. Dr Mott, pour les plus jeunes, je ne sais pas si ça va leur dire quelque chose. En tout cas, c'est le créateur du concept de ces grandes dance parades européennes, puisque c'est lui qui a créé la Love Parade de Berlin. Vous savez, cet événement qui rassemble énorme dans les rues de Berlin pas moins d'un 1 500 000 personnes. Ça fait beaucoup, hein. Voilà. Ouais, ça fait du level, hein, tout ça. Et en plus, il y a un autre pays invité qui est les Pays-Bas avec la Rotterdam Dance Parade, que Bruxelles va désormais accueillir cette City Parade chaque année et elle a pour ambition de devenir en fait la City Parade européenne avec chaque année des pays invités. Et en plus de ça, j'ai vu, vous êtes fait plaisir avec le parrain là de cette année, Henri PFR, les gars, qui sera là à la City Parade. Voilà, énorme, vraiment. C'est un super gars. Et en plus de ça, je vous fais le line-up vite fait hein, pour tous ceux qui sont fans de Dance Floor. Ouais. Alors, il y a Disco Dasco qui sera là, Dave Lambert, il y aura Henri PFR, donc Dr Mod pour la Love Parade, Meet Jax, Marco Bailey, bref, tous les plus grands DJ seront à la City Parade et ça se passe ce samedi. Si vous voulez toutes les infos, il y a un site internet, Emmanuel, sur lequel on peut aller voir. Oui, cityparade.be, mais surtout bien rappeler que l'événement est 100% gratuit, donc c'est-à-dire que vous pouvez venir vraiment avec un maximum de potes. Pour la petite histoire, on attend quand même pas moins de 100 000 personnes. Il va faire beau, donc la fête va être absolument magnifique. On vous attend et j'espère que vous serez là d'ailleurs tous les deux. Ah bah évidemment, tu rigoles, si on peut faire la fête, nous Emmanuel, on vient. Et en plus de ça, Henri PFR, c'est énorme parce qu'il est DJ résident, party fun ici sur Fun Radio. Donc c'est un peu comme si c'était la famille, tout ça. Voilà, Emmanuel, merci beaucoup d'être passé à l'antenne. Et puis on se voit samedi. Eh ben avec grand plaisir. Ah bah voilà. Une très belle soirée. On fait comme ça, pareil Emmanuel. Salut. On se fait le son justement d'Alex Jarmis là maintenant, on va se mettre dans l'ambiance dance floor. Il y aura aussi du Cheat Code et puis le Battle Sound. Si vous voulez venir jouer avec nous, si vous voulez repartir avec du cadeau Fun Radio, eh ben allez-y, vous inscrivez, vous envoyez jeu par SMS au 3044. On se fait ça juste après Alex Jarmis. Partez vous éclater à Las Vegas pour un party trip de folie avec Desperados et Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Fun Radio Connected dès 20h. Dès que vous entendez le Gravity Mix, envoyez Despé au 6322. Un gros message. Et gagnez chaque jour votre pack Desperados. Devenez l'un des finalistes qui remportera des places pour le festival le plus extrême dans un vol zéro gravité à Las Vegas. Avec Desperados. La radio qui vous envoie faire la teuf partout dans le monde, c'est Fun Radio, le son dance floor. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Desperados, tequila flavored beer. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les containers deals de Mediamart. Sous les projecteurs, une centrale vapeur Philips pour 149 euros seulement. Soit 110 euros de moins. Maintenant dans nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes au Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur Sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Dance floor.

On a du cadeau à vous filer là dans la Power avec le Battle Sound. Venez jouer avec nous, vous envoyez jeu par SMS au 3044. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Ça sera juste après le tout nouveau son de Cheat Codes maintenant avec Let Me Hold You qui débarque maintenant sur Fun Radio. Bougez pas, hein, on est avec vous jusqu'à 20h, c'est la Power. For the longest time we're jamming at the party, and you're whipping on beat, pushing everything on me. We got Silento on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The Henny got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, yo. Turn me on, turn me on. Let me jam you. Your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, yo. Turn me on, turn me on. Let me jam you, girl, whip all around me. You got me going crazy, yo. Turn me on. Sur Fun Radio. Il paraît que c'est une reprise, hein. Bah ta gueule. Oh pardon. La suite c'est avec Martin Solveig. Que ça se passe. Je m'excuse vraiment. Oh là là. Il y a des gens dans la vie qui font des choses utiles. Oh, merci beaucoup. Et puis il y a lui, Fab. Il s'amuse à faire des tops qui servent à rien. C'est le top 3 sur Fun Radio. Bon, faut que je vous explique les coulisses de l'émission, pourquoi c'est sorti d'un coup comme ça. Il y a Dylan de Fun Radio Connected qui est déjà en train de traîner dans le studio. Il me dit, ah, si tu veux, tu peux te dire que c'est une reprise de J'ai déjà oublié d'ailleurs. Kevin Little. Voilà, Kevin Little. J'y arrête, je vais pas dire ça. De toute façon, je sais pas qui c'est, ça va pas être crédible. Et l'autre, Sandro, évidemment, bim, il va être bah, sous le bordel. C'est une info de plus haute importance. Donc, à bah, évidemment, de toute façon, les infos Dance Floor, c'est à partir de 20h. Nous, on fait les cons avant. C'est comme ça, c'est dans notre contrat. Bon, justement, en parlant de conneries, on va faire le top 3. C'est moi. On va vous dire 3 bonnes raisons d'arrêter. De fantasmer sur les infirmières, quoi. Faut arrêter les conneries. Alors, je sais pas si c'est mon imagination ou bien les films que je regarde, mais moi, les infirmières, ça me fait quelque chose. Tu vois, la blouse blanche. Ma soeur, elle est infirmière, si tu veux. Oh. C'est la même version que moi, mais en infirmière. Oh, et tu crois que je pourrais l'appeler Audrey aussi ? Non. On lui claque en les fesses. Elle s'appelle Ludivine. Ah non, tout de suite là c'est. Bah non, Ludivine. Ah, j'aime Ludivine. Bien. C'est vrai, t'aimes bien. Oh, Ludivine, tu as une divine. Non. Non, moi les infirmières ça me fait quelque chose. Alors si ta sœur elle est en blouse blanche, décolleté, ouais. Talons, oh. Ce regard coquin quand elle te dit. Non, monsieur Fab. Elle est plutôt. Elle boite en fait. Blouse blanche avec des crocs. Mais ok, voilà. Monsieur Fab, je vais prendre votre température. Vous avez l'air d'être très chaud, monsieur Fab. Eh ben pourtant, la réalité, c'est pas ça. Alors moi, je vais vous donner 3 bonnes raisons d'arrêter de fantasmer sur les infirmières. Numéro 3. Parce qu'elles sont pas toutes nues sur leur robe. Hein. Regarde, la sœur d'Audrey, Ludivine, 49 ans, porte toujours sous son uniforme son corset d'amarre pour ne pas avoir froid, ses bas de contention pour ses varices et ses crocs à cause de ses corps aux pieds. Tu sens le côté sexy de la force qui arrive. Numéro 2. Parce qu'elle a déjà fait fait ta toilette au moins une fois depuis que t'es dans la chambre et qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien. Pendant que tu bavais en dormant, elle en a profité pour te nettoyer le zigou. Oui, comme tu peux le voir. Non. Ça s'est pas passé du tout comme dans L'infirmière ne porte pas de petites culottes 1 et 2. Superbe film d'ailleurs, c'est que je vous conseille de louer. Numéro 1. Et enfin, la meilleure raison d'arrêter de fantasmer sur les infirmières, c'est que parfois, les infirmières sont des infirmiers. Alors même Maudit. Si quand elle est mignonne et a des petits doigts, c'est jamais agréable qu'elle te mette un suppôt, imagine quand c'est Mamadou 1m95, 110 kilos qui te parle. C'est sympa, en même temps ça passe plus vite, non? Non? Oh. Pas moyen de... Ok, ça va, c'est d'accord. Bon. C'est technique tout ça, on va plutôt enchaîner avec le son de Martin Solveig sur Fun Radio. Il y aura du cadeau dans quelques petites minutes. On va se faire la Battle Sound, c'est nouveau dans la Power. En gros, moi je vous donne un mot et il faut essayer de me trouver un maximum de chansons où on entend ce mot à la clé du cadeau Fun Radio. Vous voulez venir jouer avec nous? C'est pas compliqué, hein. Venez, hein. Vous envoyez maintenant jeu par SMS au 3044. On vous appelle et on se fait ça juste après Martin Solveig maintenant sur Fun Radio. Black M dit, je suis chez moi. Ouais, laisse tomber, c'était de la Battle merde. Sound, le jeu qui va te faire réfléchir, rigoler et chanter. C'est maintenant dans la pierre. Ouh là là, tu sens que c'est la fin de l'émission, hein, en fait. C'est conneries, sérieusement. Non, mais vous savez que moi j'ai un cheveu sur la langue et que je dois vraiment me concentrer pendant l'émission pour c'est pas. Vrai ouais. On demande à goûter quoi. Tout, j'ai fait une rechute, alors voilà, c'est pas bien contrôlé, je suis vraiment désolée. On a Virginie qui est là, qui vient de Bruxelles, qui va jouer à la Battle Sound. Salut Virginie. Oui, allô? Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'est une voix d'homme. Je fais donc non. Ça va, Virginie? Oui, vous, ça va bien? Bah ouais, et Virginie, t'as une petite voix, t'as quel âge? 14 ans. J'ai 23 ans. Oh, bah dis donc. Une petite voix, c'est vrai. Mais ouais, on dirait trop que t'as genre 14-16 ans, une ado, tu vois? C'est ça, quoi. Oh, c'est mignon. Non, hein, faut pas dire ça. Hein. Eh, parfois, ça peut être cool d'être comparé à une ado. Attends, Virginie, quand t'auras 40 balais, tu seras contente. À ce moment-là, peut-être, mais pas pour l'instant. Tu m'étonnes. Bon, Virginie, on va se faire la Battle Sound. Est-ce que t'as bien compris les règles du jeu? Est-ce que tu connais, t'as déjà entendu ou c'est une première? c'est une première en tout cas, mais j'ai déjà entendu un peu. Bon alors, vite fait, je te rappelle. Moi, je donne un mot, d'accord? Et tu dois essayer de me trouver un maximum de chansons dans lesquelles on entend le mot. Tu peux affronter quelqu'un dans l'équipe. Alors, tu veux affronter qui? Il y a Fab, il y a Kéké ou il y a Sandro? Fab. Évidemment, pourquoi parfait. Pas. Bon, alors, je vous donne le mot. Attention, le mot aujourd'hui de la Battle Sound, c'est... amour. Ça veut dire quoi encore amour, tu me rappelles? Bah, tu demanderas à ta meuf ce soir. C'est bien. Bon, Virginie, c'est toi qui commence. Oui. Dans quelle chanson on entend le mot amour? Ton amour a changé ma vie. Pardon? Ton amour a changé ma vie, mais c'est qui chante ça? Je ne sais plus c'est qui, mais je sais que c'est ça, vous pouvez regarder. Hein. Ouais, bah t'inquiète, c'est ce qu'on est en train de faire, tu vas pas nous arnaquer. Ton amour a changé ma vie. Ton amour a changé ma vie, qu'est-ce que c'est? C'est un vieux chanteur ça. C'est un truc qu'on connaît pas. Attends, le kéké du standard connaît évidemment. Ouais, donc c'est les Classels, c'est ça en 1964. Oh, mais tu décolles, hein, Virginie, bon, enfin, ça fait un point quand même. Allez, c'est bon comme ça, je l'accorde. Fab. Elle court, la maladie d'amour. Ouais, ça marche. Fab, ça fait un point. À toi, Virginie. Elle court. Moi, je chante pas. Hein. Non, non, bah, tu peux, hein, fais-toi plaisir. Hein. D'amour ou d'amitié? D'amour ou d'amitié? Ouais, je sais pas qui c'est non plus. Tu connais cette chanson? Je suis vraiment mauvaise, moi, en fait. Des trucs connus, hein, pas que tes potes ont écrit, sinon ça compte pas. Hein. Ah, c'est bon, ce qui est bien, c'est que j'ai des stagiaires au top là-dessus qui écoutent que des chansons de vieux. Alison, tu connais? Ah ouais, c'est Céline Dion. Ah, d'amour. Et ça fait comment, chante? Tu m'en demandes trop, là. Kéké du standard, tu peux chanter ça? C'est d'amour ou d'amitié. Je crois que t'inventes. C'est presque ça. C'est presque ça. Ouais. Non, mais j'ai bien compris, Virginie, que c'était pas du tout ça en fait. Hein, mais bon, c'est ça fait deux points pour toi, Virginie. Fab, à ton tour. Ah, c'est ça. Ah oui, je le vois, je le sens, je le sais. Je le sens, je le sais. Voilà, Fab, à toi. Je suis terrorisé. Arrête de faire des choses comme ça à côté de moi. Un générique de chanson, ça. Oh, je sais. Je l'aime à mourir. Ça tétise et t'éteint de ses doigts. Je suis le gardien du jeu. Je l'aime à mourir. Non, mais c'est le mot amour que je amour, ne sais pas. L'humour, il est dedans. Non, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Quoi, c'est Virginie qui gagne. Parce que je pensais que j'étais nulle, hein. Ah bah écoute, tu vois comme quoi t'es méga bonne. Je parle évidemment du jeu, hein. On ne s'emballe pas, Virginie. Hein. Bon, Virginie, merci. Bravo. Merci. Tu repars avec du cadeau Fun Radio, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées hors antenne, d'accord? D'accord, merci. Eh, Virginie, c'est quoi ton programme ce soir? Pas grand chose, je reste à la maison. Eh bah, tu sais quoi, reste à la maison et reste branché sur Fun Radio à partir de 20h. C'est Fun Radio Connected qui débarque avec Dylan pour aller jusque-là, c'est parti. On se fait Black M maintenant sur Fun, c'est Je suis chez moi. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je veux l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'enchaîner. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Juste l'inviter à danser, je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. La suite du son Dancefloor maintenant, c'est avec Tiesto et John Legend, Summer Night sur Fun Radio. Il y aura aussi The Chainsmokers dans un instant. Tout ça, c'est pour aller jusqu'à 20h, hein. C'est pour retrouver le beau, le grand, le magnifique, le majestueux Dylan. Enfin, grand. Pas très grand, quand même. J'ai fait quelques radios, c'est la première fois qu'on m'annonce comme ça. Bah, tu vois ça? Et Dylan, juste pour rire, tu mesures combien? Allez, on dit. Hein. Pourquoi tu me vois pas là? Bah non, justement, je cherche encore. Alors, tu dirais combien, toi? Alors, attends, je suis très mauvaise à ce jeu-là. Moi, je fais 1m70, tu dois faire 1m30. Ouais, pas loin, non. 1m50. Non, n'exagère pas, tu rigoles ou quoi? Dylan Mati ou quoi? T'es petit quand même. Non. Tu dépasses le trottoir ou pas? Ouais, 1m64. Ah bah quand même. Non, c'est... tu fais pas 1m64. Si, je te jure. Dis-toi, t'es un gros mytho, hein, mon vieux. Je te jure, 1m. Regarde. Je fais 1m70. Je fais 1m63, je suis plus grande que lui. Attends, vas-y, mets-toi à côté que je reviens. Ah, mais hey, j'ai tout... des buffalo, hein. Ah, nickel chrome. Non, mais Dylan, il est petit, mais il a un grand cœur. Ah, ça, bah, c'est beau, gentil. Ça. Bon, à partir de 20h, c'est Fun Radio Connected avec tous vos messages, avec plein de conneries dans l'émission. Il y aura quoi? Voilà, et eh bien, on va parler notamment de l'iPhone 7. Ah ouais. Parce qu'en plus, on l'offre tous les matins sur Fun Radio. On va parler de ça et de vos messages aussi. Vous pouvez déjà les envoyer 30-44, c'est 50 centimes par message, et aussi via le Twitter, ça c'est gratos, hashtag Fun Connected. Et aussi on va parler de Desperados. Ah bah oui, c'est dans son émission que ça se passe. Pour tous ceux qui rêvent d'aller à Las Vegas avec Desperados et Fun Radio, eh ben il faut rester branché avec Fun Radio Connected. Il y aura un présélectionné encore ce soir. Eh ben le dernier présélectionné, depuis lundi on présélectionne des personnes, et alors le tirage au sort se fera demain. On offre d'office le pack Desperados, et demain c'est la grande finale chez toi. Yes, à partir de 17h on va connaître le grand gagnant de ce voyage à Las Vegas. Yeah. Si ça c'est pas beau, vous pouvez vous inscrire, hein. Vous envoyez Despé par SMS au 6322. On vous dit à demain les copains, yes, 17h, et on demain. Vous laisse avec le son de Tiesto et John Legend. Bisous, ciao. Bisous, ciao. Pour la rentrée, gardez le smile avec le son Dance Floor de Fun Radio. Toute la journée, tous vos sons en premier pour continuer à faire la teuf toute l'année. Salut, c'est Tiesto. Salut, c'est Willy William. Hey, what's up, it's Martin Garrix. Hey guys, this is Dimitri Vegas, I'm like Mike. Toutes vos stars référées sont sur Fun Radio toute la journée. Et dès 22h, pour faire la teuf en soirée. Party Fun. Ah, fais du bruit, Fun Radio. C'est Before Party Fun sur Fun Radio. Here we go. La teuf toute l'année, c'est sur une seule radio. Fun Radio, le son Dance Floor. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa, je peux prendre ta carte ? Mais dans tes rêves, ma chérie ! Vous avez entre 18 et 28 ans ? Découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Une place près d'un mur, attention à ma voiture. Check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Check it out. Fun Radio présente Dimitri Vegas and Like Mike Bringing the Madness. Fun Radio. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace d'Anvers. Salut, c'est Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. Éclatez-vous avec les DJ belges numéro 1 au monde. Dimitri Vegas et Like Mike à Anvers pour 4 dates exclusives. Info et tickets sur livenation.be. Et DJ Star Fun Radio, Dimitri Vegas and Like Mike au Sport Palace d'Anvers. C'est avec Fun Radio. The radio of Dimitri Vegas and Like Mike is Fun Radio. Le son Dance Floor. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'ai